L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une nouvelle étude vient de trouver une explication pour la rayonisation de l'univers. Le modèle était, semble-t-il, trop simpliste. Il fallait y intégrer que les premières étoiles étaient le plus souvent formées en couple. Et ça change tout. Les premières étoiles sont nées environ 200 à 300 millions d'années après la singularité initiale dans un univers sombre peuplé de gaz neutres. C'est le rayonnement de ces premières étoiles dans les toutes premières galaxies qui a rayonisé le milieu intergalactique pour former le milieu que nous connaissons aujourd'hui, un univers peuplé d'hydrogène ionisé transparent à la lumière, là où il n'est pas vide. Depuis que les chercheurs ont compris ce mécanisme, il subsistait néanmoins un gros problème vis-à-vis du modèle théorique élaboré. Il n'y avait visiblement pas assez d'étoiles primordiales, ou en tout cas pas suffisamment de rayonnement UV susceptible de pouvoir sortir des galaxies pour avoir ionisé la totalité de l'univers 800 millions d'années après la singularité. Les modèles des galaxies jeunes associés à des observations de galaxies proches indiquaient que la fraction de photons UV s'échappant des galaxies n'était que de l'ordre de 1%, les 99 autres pourcents ne parvenant pas à sortir du gaz neutre galactique, alors qu'il faudrait qu'elle soit à 20% pour expliquer la complète rayonisation du milieu intergalactique. Les astrophysiciens pensaient que le déficit observé provenait du fait que les étoiles primordiales à l'origine de ce rayonnement ionisant sont des étoiles massives, qui ne vivent donc pas longtemps. Elles n'auraient alors pas eu le temps de produire suffisamment de lumière UV qui parviendrait à transpercer le gaz de leur galaxie hôte et permettre ensuite à d'autres photons UV ultérieurs de pouvoir sortir aisément de la galaxie. Mais les chercheurs américains, emmenés par Xiangcheng Ma du California Institute of Technology, viennent de redécouvrir un élément connu mais qui se trouve finalement avoir des implications importantes vis-à-vis du rayonnement ionisant. Les premières étoiles se formaient pour la majorité d'entre elles en couple. Or, depuis la construction des premiers modèles de rayonisation par ces étoiles primordiales, l'existence de couples d'étoiles n'avait pas été prise en compte à cause de la complexité accrue que cela induisait pour les évaluations. Quand ils reprennent les calculs, cette fois-ci en considérant l'effet des étoiles binaires, les astrophysiciens obtiennent une fraction d'échappement de la lumière UV d'environ 20%, exactement ce qu'il faut pour expliquer le processus de rayonisation. Le phénomène qui a lieu est qu'une étoile possédant une compagne peut lui accaparer de la matière lorsqu'elle est très proche d'elle, et cela a pour effet d'allonger la durée de vie de cette compagne, devenue plus légère. Cette dernière peut alors émettre beaucoup plus de rayonnement UV ionisant sur une plus longue durée. Pour arriver à ces résultats, les astrophysiciens ont simulé la vie d'une galaxie primordiale à partir de nos meilleures connaissances théoriques sur les étoiles qui s'y formaient. Cette étude vient donc potentiellement clore le problème sur le plan du modèle théorique. Reste maintenant à pouvoir mesurer directement par l'observation ces émissions ionisantes des galaxies primordiales. Une quête bien plus difficile encore, à laquelle le télescope Webb devrait s'attaquer dès son lancement dans 2 ans. L'article de Xiangcheng Ma et ses collaborateurs a été soumis à Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Il est accessible en préprint sur le site de Archive, dont je mets le lien en bas de ce post, comme d'habitude. À très bientôt sur Ça se passe là-haut, restez bien à l'écoute, à l'affût des moindres nouvelles sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast bien évidemment toujours sur podcloud.fr ainsi que sur iTunes. D'ici la prochaine, portez-vous bien.